بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous nous étions arrêtés lors du dernier cours à الأصل الثاني, donc qui est le deuxième fondement, qui est la connaissance de l'islam. Et nous avions expliqué donc ce fondement-là se composait de trois niveaux. Le premier, l'islam. Le deuxième, l'iman. Le troisième, l'ihsan. Et l'islam visé par le shir lorsqu'il dit le premier fondement, l'islam, c'est l'islam dans son sens général, qui est donc la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, seul, sans associer, selon la législation de Muhammad alayhi salatu wa salam. Et lorsqu'il dit que cet islam-là est composé de trois niveaux, dont le premier est l'islam, donc ce premier niveau-là est l'islam dans son sens spécifique. Et qui est l'islam dans son sens spécifique lorsqu'il est accompagné des autres termes comme al-iman ou al-ihsan, qui renvoient donc aux actes extérieurs. Mais il faut spécifier ici avec le minimum requis comme acte intérieur. Car les actes extérieurs sans actes du cœur, hein, ce sont du nifaq, c'est du nifaq. C'est de l'hypocrisie. Al-Munafiqoun avait la prière, ils avaient la shahada, ils avaient le jihad, ils avaient certaines œuvres extérieures, mais ceci n'a pas pour autant authentifié leur islam, leur iman. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur, ils étaient mécréants. Donc aujourd'hui, inshallah, nous allons expliquer bihawlillahi azza wa jal al-martabath al-thaniya, le deuxième niveau qui est al-iman. Qui est al-iman. Cheikh al-Uthaymeen dit rahmatullahi alayhi, al-iman fi al-lughati at-tasdiq. Al-iman dans la langue arabe, c'est at-tasdiq, c'est le fait de croire. Bon, il y a une longue divergence linguistique sur la définition du iman dans la langue arabe, mais nous, nous en tenons à ce qu'a dit Cheikh al-Uthaymeen, donc c'est at-tasdiq, croire. Mais dans la langue arabe, c'est beaucoup plus profond que ça, il y a une divergence sur son sens, mais cela ne nous intéresse pas, parce que nous, ce que nous allons chercher à étudier, c'est le sens du iman dans la législation, dans son sens shar'i, législatif. Wafi shar'i, donc, et dans la législation, dans la législation, Cheikh al-Uthaymeen rahimahullah dit huwa i'tiqadun bil qalbi, donc c'est une croyance avec le cœur, wa qawlun bil lisan, et une parole avec la langue, wa 'amalun bil jawarih, et donc ce sont des actes par les membres, wa huwa bid'un wa sab'una shu'ba, et c'est de 73 à 79 branches, comme il va être mentionné par Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi. Donc, l'iman dans ce sens-là, dans ce contexte-là, lorsque Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, dit que l'iman, c'est le deuxième niveau de l'islam général, cité donc en tant que deuxième fondement des trois fondements que tout musulman doit savoir, c'est l'iman dans le sens des croyances intérieures, croyances intérieures, i'tiqadat. Avec, il faut spécifier, quoi donc ? Le minima requis extérieur pour authentifier, donc ces actes intérieurs et paroles intérieures que nous allons voir, qu'il va citer, rahimahullah. Donc, al-imanu, nous avons donné son sens linguistique et nous avons donné son sens législatif. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit « Wa huwa bid'un wa sab'una shu'batan ». Et c'est bid'a, bid'a, le mot bid'a. Donc dans la langue arabe, Cheikh Al-Uthaymeen dit bi kasri al-ba'i, donc avec une kasra sous le ba, bid'un, non pas bud'un, qui a un autre sens, el bid'u bi kasri al-ba'i min al-thalathati ila al-tis'a. Donc c'est un mot qui renvoie à un nombre allant de 3 à 9. Allant de 3 à 9. Donc lorsque Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit wa huwa bid'un wa sab'una shu'bah, c'est bid'a et 70 branches. Ceci veut dire que La foi est composée de 73 à 79 branches. Et il s'est fondé là sur un hadith du prophète alayhi salatu wassalam rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Mais dans la version de Muslim, il y a la version qui dit bid'un wa sab'una shu'bah ou bid'un wa sittu wa sittuna shu'bah. Bid'a et 70 branches, c'est-à-dire 73 à 73 branches ou bien 63 à 69 branches. Al-Hafid ibn Hajar rahimahullah dans Fath al-Bari dit que on se doit de prendre ce qui est le plus à même d'être accepté, c'est la version qui dit 63 à 69, car on est sûr que la foi est composée de 63 à 69 branches, alors que le fait qu'elle soit composée de 73 à 79 branches est l'objet d'un doute. Wallahu a'lam. D'autres savants disent qu'on l'accepte, bon, c'est un long débat sur la terminologie du hadith qui ne nous intéresse pas dans notre contexte. Donc ceci est tiré d'un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-imanu, la foi, bid'un wa sab'una shu'ba, est composé de 73 à 79 branches. Et dans la version de Muslim, il y a l'ajout au bid'un wa sittuna shu'ba, ou bien 63 à 69 branches. Donc qu'est-ce que nous indique cette parole-là? D'abord que la foi n'est pas quelque chose qui est fait d'une seule composante, car le mot branche est utilisé. Donc il y a un asl, il y a un fondement et des ramifications prenant naissance dans ce fondement-là. Quelles sont-elles? Elles sont citées dans le hadith. Et ici le cheikh a rapporté les mêmes termes que le hadith. فَأَعْلَاهَا قَوْلُ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ. Ici, en apparence, c'est les paroles de Cheikh Mohamed Abdel Wahab, mais c'est tiré mot à mot d'un hadith. فَأَعْلَاهَا قَوْلُ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ. La plus haute branche est la parole. لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ. وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ. Et la plus basse branche de ces 73 à 79, ou bien 63 à 69 branches, est le fait d'enlever quelque chose qui gêne les gens dans leur passage, dans la route. Comme une branche, comme n'importe quelle chose qui amènera à faire du mal aux passants. وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ. Et la pudeur est une branche de la foi. Donc ce hadith-là indique que la foi n'est pas quelque chose d'indissociable, que ce n'est pas une seule et même entité non composée, indivisible. Mais plutôt que celle-ci comporte des branches d'abord. Ça, c'est la première chose à retenir, et c'est tiré du terme shu'ba. Shu'ba qui veut dire branche. Donc la foi comporte des branches. Plusieurs branches, 63 à 69 ou bien 73 à 79. Ces branches-là, comme nous avions dit maintes fois, la foi est composée de... Elle prend source dans trois niveaux. Le cœur, la langue et les membres. Et ceci est indiqué par le hadith lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَأَعْلَهَا قَوْلُ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ. Le plus haut degré, la plus haute branche de la foi, c'est la parole لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ. Donc la foi est composée de paroles. Par la preuve de ce hadith-là, فَأَعْلَهَا قَوْلُ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ. قَوْلُ, la parole لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ. Donc la parole لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ compose la foi. Et même un pilier de la foi. Elle fait partie intégrante de la foi. Deuxième information à tirer, وَأَدْنَهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ. Le fait d'enlever quelque chose qui gêne le passage des gens dans un chemin quel qu'il soit, ceci relève de la parole, de la langue, ceci relève du cœur? Non. Ceci relève des actes des membres. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, donc mentionne bien ici dans ce hadith-là que le fait d'enlever quelque chose qui dérange le passage des musulmans, et faisant partie donc des actes du corps, fait partie intégrante de la foi. وَالْحَيَاءُ, et la pudeur est une branche de la foi. وَالْحَيَاءُ est un acte du cœur. الْحَيَاءُ, la pudeur est un acte du cœur. Donc de ce hadith-là, nous tirons que la foi est composée de paroles. Par la preuve que le prophète alayhi salatu wassalam a cité la parole « La ilaha illallah » comme faisant partie intégrante de la foi, car c'est une branche, et la branche fait partie de la chose qu'elle compose. Et aussi, cette foi-là est composée donc des actes du corps. وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَعْنِ الطَّرِيقِ Car la branche, la moindre dans la foi, c'est le fait d'enlever quelque chose qui gêne le passage des musulmans. Et de même, les actes du corps, du cœur, les actes du cœur, ainsi que les paroles du cœur, font partie de la foi. Ceci est prouvé par la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, et la pudeur est une branche de la foi. Donc, Al-Iman ici, dans ce sens-là, lorsque le shir a expliqué Al-Islam comme faisant partie de 3 degrés. Hein, ça, c'est à retenir, c'est important. Nous avons dit que Al-Islam, le premier degré composant l'islam général, donc c'est les actes extérieurs avec le minima requis intérieur authentifiant cet extérieur. Donc lorsque nous disons Al-Islam, l'islam est composé de, d'abord comme premier niveau l'islam, cet islam-là c'est les actes extérieurs avec le minima requis intérieur authentifiant cet extérieur-là. Pourquoi je dis ça? Pourquoi est-ce que je dis qu'il y a un minima requis intérieur pour authentifier l'extérieur? J'ai répondu il y a 5 minutes dans le dars. Quelqu'un qui fait par exemple la prière sans, comme ça, pour le faire avec son ami, pour, sans croire en Allah, sans avoir le minima requis intérieur, ça pas là. Non, parce qu'il y a interdépendance entre l'intérieur et l'extérieur. Les actes extérieurs, les hypocrites les avaient au temps du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc avoir les actes extérieurs, ça te donne le statut de musulman, le hukm, le statut. Comme on va le voir dans les paroles des savants, ça te protège ton sang, ton argent. Mais auprès d'Allah, tu es mécréant si tu n'as pas d'acte du corps, du cœur, pardon, intérieur. Elle y mène ici, lorsqu'il est cité en tant que deuxième niveau du premier islam, ça correspond à quoi? À quoi est-ce que ça correspond? Ça correspond aux actes intérieurs. Avec un minimum d'actes extérieurs. À l'i'tiqad, aux croyances intérieures qui sont elles-mêmes composées des paroles du cœur et des actes du cœur. Avec le minima requis extérieur. Donc s'il n'y a pas shahada, il n'y a pas authentification de l'intérieur. Quelqu'un dit j'aime Allah, je crains Allah, je crois au Coran, je crois au prophète alayhi salatu wassalam, c'est le dernier des prophètes. Mais il ne le prononce, enfin il le dit, pardon, non. Il dit qu'il croit à ça. Mais ne prononce pas la shahada avec sa langue, cet intérieur n'est pas authentifié. De même, la prière aussi authentifie cet intérieur-là. S'il n'y a pas de prière, il n'y a pas d'acte du cœur comme l'amour, la crainte et autres, même si ceci est prétendu par la langue. Mais ici, le shir, lorsqu'il dit Al-Imanu wa huwa bid'un wa sab'una shu'ba. Quel est le sens du « iman » ici? Est-ce que c'est un sens général ou spécifique? Puisqu'il dit qu'il est composé de 73 à 79 branches. C'est général, c'est dans le sens de la religion. C'est dans le sens du islam général, intérieur, extérieur. Même si on est dans le deuxième degré, où il est en train d'expliquer le « iman » dans le sens intérieur avec le minima requis extérieur pour authentifier cet intérieur, ici, là, là, à ce moment-là, ce qu'on vient d'expliquer à l'instant, ça c'est la religion complète, 73 à 79 branches. La preuve en est, c'est qu'on a dit que c'est composé de paroles, que cette foi-là est composée de paroles, est composée d'actes, du corps est composée aussi de croyances du cœur. Et il va nous donner ici donc les deux définitions du iman, le shirk. Le shirk ici va nous expliquer les deux notions en lien avec les deux définitions du iman. Donc le iman, il a deux définitions comme Al-Islam a deux définitions. Nous avions dit que Al-Islam avait deux définitions. Une définition s'il était cité seul dans un contexte, c'est-à-dire dans un verset, dans le Coran, dans un hadith ou bien dans une parole de savant. Quelle est sa définition lorsqu'il est cité seul? Al-Islam. Autrement dit, le Islam du deuxième fondement. Voilà, c'est la religion. La religion, donc les actes extérieurs et les actes intérieurs. C'est toute la religion du prophète, alayhi salatu wassalam. Et donc ici, et lorsqu'il est cité dans un contexte avec Al-Iman, C'est les actes extérieurs. On peut s'arrêter là. Mais l'aqida, il faut être assez précis, voilà, avec le minimum intérieur authentifiant cet extérieur. L'iman, c'est pareil. Le iman, quand il est cité tout seul, dans un contexte coranique, de hadith, parole de savant de la sunna, comprenant la aqida, à quoi renvoie l'iman? Il est le synonyme de quoi? La le synonyme de l'islam. On a dit « Ida jtama'a iftaraqa ou ida iftaraqa jtama'a ». Lorsqu'ils se séparent, ils se rassemblent. Lorsqu'ils se séparent, le iman est tout seul et l'islam est tout seul, ils se rassemblent dans ce qu'ils définissent, dans ce à quoi ils renvoient. C'est-à-dire l'intérieur et l'extérieur de la religion. Et lorsqu'ils se réunissent, l'islam renvoie l'extérieur avec le minima requis intérieur pour authentifier cet extérieur. Et le iman renvoie l'intérieur avec le minima requis extérieur authentifiant cet intérieur. Donc ils ne se séparent pas de manière totale et absolue. Car on n'a pas de iman d'intérieur sans extérieur possible. On n'a pas de iman intérieur sans extérieur. Et on n'a pas de iman extérieur sans intérieur. C'est-à-dire de iman accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala faisant entrer au paradis. Les gens qui entreront au paradis, ce ne sont pas des gens qui ont un intérieur et pas d'extérieur. Ou bien qui ont l'extérieur sans intérieur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, au début de surat al-Baqarah, a donné les trois catégories existantes. La première, il a donné les gens qui croient intérieurement et pratiquent extérieurement. Al-mu'minun. Deuxième catégorie, il a donné al-kafirun. Les mécréants, qui sont ceux qui mécroient intérieurement et extérieurement. Leur pratique est en accord avec leur intérieur, donc ils n'en ont pas. Et il a cité en troisième catégorie, al-munafiqun. Les hypocrites qui ont donc la croyance, la pratique, qui ont donc la pratique extérieure, mais qui n'ont pas la croyance intérieure. Alif lam mim, dhalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Ceux qui croient en l'invisible. Ça c'est quoi, extérieur, intérieur? C'est intérieur. Alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah, et qui pratiquent la prière, ça c'est un acte extérieur. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, et qui dépensent de ce que nous leur avons octroyé. Ça aussi c'est un acte du corps. Walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ça c'est les croyants, intérieurement, extérieurement. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit: Innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatama Allahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawa wa lahum 'adhabun alim. Ça c'est les mécréants, intérieurement et extérieurement. Puis wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'minin. Et parmi les gens, il y en a qui disent, nous avons cru à Allah et au jour dernier. Donc extérieurement, ils extériorisent donc la foi, la croyance, l'islam. Et ils ne sont pas croyants intérieurement. Ça, c'est les trois catégories citées par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Il n'y a pas de quatrième catégorie, comme l'ont pensé les Asha'ira, les Jahmiya et autres. Car ils ont apporté une quatrième catégorie qui est acceptable par la raison, mais qui est réfutée par le Coran et la Sunna, qui est ceux qui croient intérieurement et qui extériorisent le kufr. Et ça, ce n'est pas possible. Donc, pensant que ces trois catégories citées pouvaient donner place à cette quatrième catégorie-là, les Ash'ari, et leur madhhab est connu, ils donnent la prédominance à la raison sur le texte, hein, souvent, et les Jahmiya et autres, en sont arrivés à cette conclusion-là, qu'il y a une catégorie, donc une quatrième catégorie, qui sont les gens qui croient intérieurement et qui extériorisent le kufr. Et ça, c'est faux, c'est impossible. Pourquoi? Parce que nous avions dit qu'il y a interdépendance entre l'intérieur et l'extérieur. S'il y a croyance intérieure, obligatoirement, cet amour-là, cette crainte-là, ce tawakkul, tous ces actes du cœur doivent donner obligatoirement naissance à l'acte. Allah dit « قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ » Dis, si vous aimez Allah, suivez-moi. Celui qui prétend l'amour d'Allah, sa crainte, ainsi que d'autres actes du cœur, et ne pratique pas, ne délaisse rien de ce qui est interdit et ne fait rien de ce qui est obligatoire, cette personne n'est pas musulmane selon l'ijma', le consensus des salafs, rahmatullahi alayhi. Donc nous revenons au hadith. Nous revenons au hadith car il y a beaucoup d'informations et de sagesse à tirer de ce hadith-là. Le prophète alayhi salatu wa salam dit fa'a'laha qawlu la ilaha illallah, la plus haute branche est la parole la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'ani at-tariq, et la plus basse branche est le fait d'enlever quelque chose de gênant du passage des gens. Qu'est-ce que l'on tire de cela? Que les branches n'ont pas le même niveau, que les branches composant la foi ne sont pas du même niveau. Donc il y a des branches qui, lorsqu'elles disparaissent, la foi disparaît. Il y a d'autres branches, lorsque celles-ci disparaissent, la foi est toujours présente. Des exemples de branches qui, lorsqu'elles disparaissent, la foi disparaît, la shahada, sauf excuse valable, comme le muet, ou bien un ikrah acceptable, une contrainte acceptable. Mais celui qui ne prononce pas la shahada par choix n'est pas musulman. Et l'absence de cette branche-là annule la foi, donc dans ses fondements de manière totale et absolue. De même la prière. La prière est une branche qui, si elle est absente, donne naissance à l'absence de la foi. Donc ici, avec ce hadith-là, nous répondons à deux sectes. La première, les Khawarij. Les Khawarij, pour eux, ainsi que les Mu'tazila, la foi a la même définition que Ahl Sunnah. Eux aussi disent la foi, c'est qawlun wa amal. C'est des paroles. Ainsi que des actes. Donc paroles de la langue, paroles du cœur, actes de la langue. Ils ont la définition de Ahl Sunnah al-Jama'a. Mais en quoi ils se différencient de Ahl Sunnah al-Jama'a, c'est que pour eux, la foi est quelque chose d'indivisible, d'indissociable. Lorsqu'il y a disparition d'une branche, quelle qu'elle soit, il y a disparition de la foi. C'est pour ça qu'ils statuent de la mécréance de celui qui fait un grand péché. De celui qui fait un grand péché. Parce que celui qui fait un grand péché, à ce moment-là, a perdu une branche de la foi. A perdu une branche de la foi. Et il a fait une branche de mécréance. Car toutes les bonnes actions sont une branche de la foi. Et toutes les mauvaises actions, petites, grandes, sont des branches du kufr. Toute désobéissance est une branche du kufr. Mais le kufr est divisé en petit kufr, en grand kufr. En kufr dunna kufr et en grand kufr. Et il y a aussi dans les péchés, donc les petits péchés qui n'entrent ni dans le petit kufr ni dans le grand kufr. Et il y a donc dans les bonnes actions, hein, de même divers degrés. Les Khawarij, eux, ne prennent pas ceci en compte. Donc quelqu'un qui fait une mauvaise action, hein, il y a deux madhhab chez eux. Même celui qui fait un petit péché chez certains est un mécréant. Mais la majorité disent que celui qui fait un grand péché est un mécréant. Ça c'est le madhhab des Khawarij. Il est mécréant et il sera éternellement en enfer. Les Mu'tazila, eux disent que celui qui fait un grand péché donc est dans un niveau entre deux niveaux. Et dans un niveau entre deux niveaux. Donc il est sorti de l'islam, mais il n'est pas dans le kufr pour eux. Il n'est pas dans le kufr. Ce n'est pas un kafir. Et ce n'est pas un musulman non plus. Donc ils disent qu'il est dans un niveau entre deux niveaux. Mais ils sont en accord avec les Khawarij pour dire qu'il est éternellement en enfer dans l'au-delà. Donc c'est simplement sur le nom qu'ils ont divergé, mais sur le statut et donc le devenir de cette personne, ils sont en accord sur le fait qu'il ira tout le temps éternellement en enfer. Donc ça, ce sont deux sectes égarées dans ce premier extrême qui est le fait que la foi est indivisible dans toutes ses composantes, donc parole, croyance intérieure et acte du corps. Donc celui qui fait un grand péché par la langue, est un mécréant chez eux. Pour les Khawarij, et il est dans un niveau intermédiaire pour les Mu'tazila, mais pour ces deux sectes égarées, il est en enfer éternellement. De même, s'il fait un grand péché, donc avec son corps, il fornique par exemple, il mange les intérêts, il fait un faux témoignage, hein, qui sont donc des grands péchés chez Ahl Sunnah al-Jama'a, ainsi que chez ces gens-là, il apostasie, sort de l'islam. Il sort de l'islam. Et ils se sont trompés par rapport à l'interprétation de certains hadiths du prophète alayhi salatu wa salam, comme le hadith la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Le prophète alayhi salatu wa salam dit que le fornicateur lorsqu'il fornique n'est pas croyant. Mais la croyance est de divers degrés. Donc il y a ce qu'on appelle aslul iman. Il y a la foi de base. C'est-à-dire qui est le minima pour être musulman. Aslul iman. Ensuite, il y a al-kamalul wajib. Al-kamalul al-wajib, qui est la complétude obligatoire, qui est le niveau requis pour ne pas être sujet à entrer en enfer dans l'au-delà. Et celui qui n'a pas atteint ce niveau de kamal wajib, de complétude obligatoire, il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yawm al-qiyamah. S'il veut, il lui pardonnera, et s'il veut, il le fera entrer en enfer. Ensuite, il y a al-kamal al-mustahab, la complétude recommandée. Donc, aslul iman, ça c'est celui qui n'a pas aslul iman. Pour avoir aslul iman, il faut les piliers de la foi que nous allons voir. Il faut obligatoirement les croyances intérieures qui sont des piliers, les six piliers de la foi. Il faut la shahada extérieurement. Il faut la prière. Et il faut ne pas faire un acte annulatoire de l'islam. Celui qui fait un acte annulatoire de l'islam, la base de sa foi est éteinte et il entre dans la mécréance. Al-kamal al-wajib. Comment est-ce que quelqu'un se retrouve en deçà de là? C'est lorsqu'il fait justement un grand péché. Donc le prophète, alayhi salatu wasalam, lorsqu'il dit le fornicateur, lorsqu'il fornique, n'est pas croyant, c'est-à-dire il n'a pas la croyance obligatoire requise, il n'a pas le kamel wajib, il n'a pas la complétude obligatoire. Ça ne veut pas dire que c'est un mécréant. Ce hadith-là ne veut pas dire que c'est un mécréant. Et de même, lorsque le prophète, alayhi salatu wasalam, dans de nombreux hadiths, il dit « Wallahi la yu'min, la yu'minu ahadukum » par exemple. Dans certains hadiths, ça veut dire que la personne est en deçà du kamel wajib. Ou dans d'autres hadiths, le prophète, alayhi salatu wasalam, rejette la foi, mais il rejette le kamel mustahab, la complétude recommandée. Par exemple, le prophète, alayhi salatu wasalam, dit « Wallahi la yu'min ». Par Allah n'est pas croyant. Celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal. Donc faire du mal à son voisin, ça, c'est une obligation? C'est makruh? Quel est le statut de cela? C'est haram, faire du mal à son voisin. C'est mustahab, c'est recommandé, c'est obligatoire, c'est haram, c'est makruh. C'est haram. Celui qui fait cet acte-là, qui fait du mal à son voisin, il passe en dessous du iman wajib, du kamel wajib, pas de asl al-iman. Il garde la base de la foi qui est ce qui lui permet de rester dans l'islam. Il reste musulman, mais il n'a pas la complétude obligatoire. S'il meurt dans cet état-là, sans s'être repenti, il est sous la volonté divine. Si Allah subhanahu wa ta'ala veut, il le châtiera, et si Allah subhanahu wa ta'ala veut, il le fera entrer au paradis en le faisant miséricorde. Chez le Khawarij ici, celui qui fait du mal à son voisin donc est mécréant, parce que le hadith rejette la foi par rapport à cette personne-là. Donc la foi, je rappelle, il y a la foi de base, aslul iman. Celui qui n'a pas ça est mécréant. Al kamal al wajib, donc le minima obligatoire, celui qui n'a pas ça est un fasiq, un pervers. Comment est-ce que l'on passe en deçà de ce niveau-là? C'est en faisant le haram et en délaissant aussi l'obligatoire. Celui qui délaisse l'obligatoire et fait le haram. Après, il y a le kamel, le mustahab, la complétude recommandée, ça c'est en faisant tout ce qui est surérogatoire. Plus on fait du surérogatoire, plus on augmente dans le kamel, le mustahab. Quelqu'un qui fait les prières surérogatoires avant, après les prières obligatoires, comme c'est légiféré. Quelqu'un qui jeûne de manière surérogatoire, quelqu'un qui se lève la nuit, quelqu'un qui fait des sadaqas surérogatoires, donc entre dans ce niveau de kamal mustahab, après bien sûr avoir délaissé donc le haram et avoir fait ce qui est obligatoire. Quelqu'un qui délaisse l'obligatoire, donc est pécheur, et celui qui délaisse aussi, qui fait le haram, pardon, est aussi pécheur, et entre donc dans le degré en deçà du kamel wajib. Donc le kamel mustahab, c'est tout, c'est ce à quoi nous aspirons, bihawlillahi azza wa jal. Donc à l'extrême de al-khawarij et d'al-mu'tazila, on a al-jahmiya. Al-Jahmiya, qui eux sont donc la secte qui ont suivi Jahm, Al-Jahm ibn Safwan, Jahm ibn Safwan, pour eux la foi est aussi quelque chose d'indivisible. Et c'est aussi une entité unique, une notion unique, indivisible. Mais contrairement aux Khawarij, qui eux donnent les mêmes composantes que Ahl Sunnah, mais ils se diffèrent de nous dans le fait que ces trois composantes, cœur, actes, langues, sont indivisibles, et il n'y a pas indissociable, indivisible, et il n'y a pas aussi donc différentes branches. La disparition d'une branche fait que la foi disparaît de manière totale. Les Jahmiya, eux, ils restreignent la foi à la croyance intérieure, à la croyance du cœur. Ce qu'on appelle at-tasdiq, à sa définition linguistique. Donc la définition linguistique et législative sont synonymes chez les Jahmiya. Donc le fait simplement de croire intérieurement est de la foi. Donc pour eux, hein, ce qui est une implication directe de leur madhhab, c'est que Pharaon est un croyant, Iblis est un croyant, Abu Jahl est un croyant. Et même certaines phrases par ces égarés-là ont été prononcées comme la foi de Jibril, de Mikaïl, de Pharaon, de Iblis sont identiques. Et les salafs étaient en accord unanime sur le takfir des Jahmiya, car ils sont allés à l'encontre donc du Coran et de la Sunna de manière directe, en réfutant les textes qui sont tranchants d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette notion de branche est notamment de différents niveaux. Le fait qu'il y ait différents niveaux, le plus haut degré c'est la ilaha illallah, le plus bas degré c'est le fait d'enlever quelque chose qui fait du mal aux gens dans le passage. Ça, cette notion de différenciation des niveaux de branches, on répond à quelle secte avec ça? Cette notion-là. Au Khawarij. Et avec l'information tirée du hadith que la foi est composée de paroles, d'actes et de croyances, on répond à quelle secte? Jahmiya. D'accord, c'est compris ça. Al-Murji'a. Murji'a al-Jahmiya. Il y a plusieurs Murji'a, mais le Jahmiya sont les grosses têtes et sont les premiers qui sont apparus. Donc ça c'est Al-Iman, Ayyuha al-Ikhwa, chez Ahl Sunnah al-Jama'a. Donc la foi est composée de paroles du cœur, de paroles de la langue, d'actes du cœur, d'actes du corps. Donc cette définition-là répond au Khawarij, parce que chez nous, les actes et les paroles ne sont pas tous du même niveau, et répond aussi aux Jahmiya dans leur égarement selon lequel la foi n'est que la croyance intérieure, parce que il y a une composition, il y a une complexité dans la foi chez Ahl Sunnah al-Jama'a, ce n'est pas une seule chose. Donc ça c'est quelque chose d'extrêmement important à retenir. Donc les égarements, nous avons dit il y a le Khawarij qui se sont égarés, c'est clair. Al-Jahmiya qui se sont égarés, pour eux c'est la croyance intérieure, point. Khawarij, c'est la même définition, mais c'est quelque chose d'indissociable de même niveau. La disparition d'une branche donne naissance à la disparition de la foi. Ensuite, on a aussi un groupe qui s'est égaré à ce niveau-là, qui, dans cette porte-là, dans ce chapitre-là, ne fait pas partie de Ahl Sunnah al-Jama'a. Donc, c'est ce qu'on appelle Murji'atul Fuqaha, les Murji'a des Fuqaha, des jurisconsultes. Et l'apparition, donc, de cette bid'a, cette innovation, cet égarement, est apparu par la cause de Hamed rahimahullah, qui était donc un élève de Cheikh Ibrahim al-Nakhai, qui était un grand tabi'i. Ibrahim al-Nakhai rahmatullah alayhi était un grand tabi'i min as-salihin min al-ulama, qui était un très grand savant de Koufa, qui était un des personnages qui a rencontré les compagnons radiyallahu anhum, et qui était un alim, et qui était selon la aqidah des salafs. Il a eu un élève donc qui s'appelait Hamed, qui à son tour sera cheikh de Abu Hanifa et qui a innové. Donc à ce niveau-là. Et quel a été donc son avis? C'est que les actes, selon lui, les actes, donc sont, comme il dit, Shartu Kamel, comme il a été rapporté ensuite, donc dans les livres des gens qui ont suivi cette tariqa-là, c'est que les actes sont une condition recommandée de la foi. C'est-à-dire c'est une condition pour amener à la complétude de la foi. C'est-à-dire il peut y avoir foi chez eux par la croyance intérieure et la langue. Donc la foi chez eux, c'est la croyance intérieure et les paroles de la langue. Ce sont ces deux composantes-là. La troisième composante que nous avons citée comme étant une composante faisant partie intègre de la foi, et s'il y a disparition des actes, il y a disparition de la foi. Bon, est-ce que la définition du iman est relativement claire? Bon, c'est où que se trouve l'égarement des murji'at al-fuqaha? Et beaucoup de gens maintenant veulent propager ce madhhab aujourd'hui, se disant salafi. Murji'at al-fuqaha, en quoi ils se distinguent al-sunnah al-jama'ah? Ils ne prennent pas en considération les actes du corps. Voilà, les actes du corps pour eux amènent à la complétude de la foi et ne font pas partie de la définition de la foi. Il y a foi sans acte du corps. Donc c'est une résultante de l'intérieur, mais ça ne prend pas le nom de foi. Et le hadith leur répond là. Imatatul adha ani tariq. Le fait d'enlever quelque chose qui dérange du chemin des musulmans fait partie de la foi. Comme ça a été cité par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le hadith est suffisant. Et le Coran aussi va dans ce sens-là aussi. Allah subhanahu wa ta'ala dit إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. Allah a dit dans le début de Surat Al-Anfal, les croyants sont seulement ceux. Innama al-mu'minuna. Innama, c'est-à-dire sont seulement ceux-là, ceux qui vont être qualifiés des qualités qui arrivent ensuite. Innama al-mu'minuna alladhina. Ce sont ceux. Idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Lorsque Allah est cité, leur cœur donc vibre de crainte. Ça c'est un acte du cœur, un acte du cœur. Wajilat qulubuhum. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Et lorsque les versets d'Allah sont récités sur eux, ceci leur augmente leur foi. Il dit aussi alladhina yuqimuna as-salat, ceux qui pratiquent la prière. Ça ce sont des actes du corps. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, et qui dépensent de ce que nous leur avons octroyé. Et ainsi que les versets de sourate al-Baqara que j'ai cités en début de dars. Et de ce hadith là aussi nous tirons donc que les branches ne sont pas du même niveau. Il y en a donc qui sont obligatoires s'il y a disparition de la branche, il y a disparition de la foi. Comme la ilaha illallah. S'il y a disparition de cette branche-là, il y a disparition de la foi. Imatatul adha ani tariq, s'il y a disparition de cela. Quelqu'un passe dans la rue et voit quelque chose qui dérange le passage des gens, ne l'enlève pas. Il sort de l'islam? Non. Donc ceci est une branche qui, si elle est là, amène au kamel mustahab. Celui qui fait cela après avoir délaissé les péchés et fait les obligations. Et fait en plus donc ces actes recommandés, c'est quelque chose qui l'amène au kamel mustahab. Wal haya'u, la pudeur, c'est recommandé, bien c'est un pilier, bien c'est une obligation. C'est une obligation. Celui qui n'a pas de pudeur va être amené à faire donc des péchés qui vont l'amener en deçà donc du kamel wajib, de la complétude obligatoire, et qui le fait pénétrer dans le fisq. Donc les branches, certaines sont obligatoires, d'autres recommandées, d'autres sont des piliers. Wa arkanuhu sita. Donc Cheikh Mohamed ibn Abdel Wahhab dit wa arkanuhu sita. Et ces piliers sont au nombre de 6. Et les piliers donc de la foi sont au nombre de 6. Il a dit an tu'mina billah, que tu crois en Allah, wa malaikatihi, et ses anges, wa kutubihi, et ses livres, wa rusulihi, ses messagers, wa liyawmil akhir, le jour dernier, wa bil qadari khairihi wa sharrihi, et la prédestination bonne ou mauvaise. Donc qu'est-ce que l'on remarque ici par rapport aux piliers cités par le shir, par rapport aux deux définitions du iman? Et notamment par rapport au développement qu'il a fait avant avec le hadith des branches, des ramifications. Qui peut faire une remarque judicieuse? Juste avant, le hadith d'avant, l'imène, ça prend un sens général, et là, cette parole, ça prend un sens spécifique. Non. Et le cheikh a dit, wa arkanuhu, et ses piliers. Arkanuhu, le hala, c'est un damir qui renvoie, donc ses piliers. Le pronom, la C-S-E-S. Pronom possessif. Ses piliers, il renvoie à qui? À l'imène. À l'imène, dans quel sens? Dans le sens général. Et le sens général du imène, c'est quoi? Ça renvoie à quoi? Donnez-moi des synonymes. Al-Islam, la religion. C'est Cheikh Ibn Taymiyyah dit al-bir, al-taqwa. Tous ces termes-là, lorsqu'ils sont de manière indépendante cités, ils renvoient à la religion complète, intérieure, extérieure. Et ici, il va dire que donc, les piliers de la foi sont au nombre de 6. Et ces piliers, mais ces piliers, la shahada en fait partie aussi. Les piliers de la foi, comme il a été cité précédemment. Les piliers de la foi, comme il a été cité précédemment. La prière, c'est un pilier ou pas? Oui. De la foi, comme ça a été cité précédemment. Et là, il va dire, et ces piliers sont au nombre de 6. Il ne va pas citer la shahada. Il ne va pas citer la prière. Donc ici, on interprète, et ces piliers, comme les piliers de la foi, pas dans le sens que j'ai défini avant. Mais dans le sens de la croyance intérieure avec le minima requis, etc. pour authentifier cet intérieur. D'accord? Donc le damir, là, il ne revient pas à ce qui a été cité juste avant. Ce qu'on a expliqué dans le hadith des ramifications, 73 à 79 branches. Vous avez compris ce point-là? Donc, et ces piliers sont au nombre de 6. Donc, que tu crois à Allah, ses anges, ses livres, ses messagers, le jour dernier et la prédestinée, bonne ou mauvaise. Ceci, c'est mot pour mot le hadith qui va être cité ensuite, le hadith de Jibril. Alayhi salam, lorsqu'il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous allons le citer inchallah si nous commençons l'explication de Al-Ihsan. Donc et ces piliers sont au nombre de 6. An tu'mina billahi, croire à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la croyance à Allah subhanahu wa ta'ala comporte de manière obligatoire 4 piliers. Le premier, al-iman bi wujud Allah azza wa jalla, la croyance en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le dit Cheikh Al-Uthaymin, donc je résume ces paroles, je donne les gros titres, nous n'avons pas le temps de définir ces 6 piliers. Ces 6 piliers d'une manière générale. Donc, Al-Iman ou bi wujud Allah azza wa jalla, la croyance en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Al-Iman ou bi rububiyyat Allah azza wa jalla, la croyance en la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala? Le tawhid de la seigneurie. Na'am. C'est ses actes à lui, subhanahu wa ta'ala. Wal-imanu bi-uluhiyatihi, subhanahu wa ta'ala. La croyance en sa divinité. Donc, croire qu'il existe, que c'est lui le roi, le créateur, le possesseur, celui qui gère, celui qui donne la vie, qui donne la mort. Mais s'il n'y a pas croyance qu'il est le digne d'être adoré, il y a croyance en Allah? Non. Donc, al-imanu bi-uluhiyatihi, la croyance en sa divinité. Ensuite, al-imanu bi-asma'ihi wa sifati, la croyance en ses noms et ses attributs. Et j'avais déjà expliqué comment est-ce que l'on croit aux noms et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne reviens pas là-dessus, ça a été dit dans des durus précédents, et c'est en lien avec Tawhid al-Asma'i wa Sifat. Inch'Allah, nous aurons l'occasion, bihaoulillah, de faire des cours à ce sujet-là. Donc ça, c'est concernant la foi à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le premier pilier des 6 piliers composant la foi dans son sens restreint, c'est-à-dire les croyances intérieures avec le minima extérieur requis pour authentifier cette croyance intérieure. Ces 6 piliers-là, dans le premier dars, nous avions dit que c'était l'objet d'une étude, d'une matière. Quelle est-elle? La aqida. Donc la aqida, elle étudie ces 6 piliers-là. Et introduit aussi d'autres notions, comme nous avions dit, des notions qui à la base ne font pas partie intégrante de la aqida, mais vu l'apparition de certaines sectes, ceci a été introduit ensuite dans les livres de Aqidah, comme l'obéissance des hauts gouverneurs, par exemple, en réponse aux Khawarij, qui sortent des gouverneurs de manière totale et absolue, sans aucune condition. Ceci a été intégré par les savants d'Ahl Sunnah dans leurs textes de Aqidah et dans leurs études pour répondre à ces sectes-là. Aussi, certains réfutent l'essuiement des roufs, par exemple. Certains ont cité cela dans leurs textes de Aqidah. Et le Tawhid, Nous avions dit que c'était plus spécifique, restreint que al-aqida. Donc le tawhid, c'est ça, c'est al-imanu billah. C'est l'étude du premier pilier des six piliers composant la foi dans son sens restreint. Quand on étudie le tawhid, on n'étudie pas les anges. On va peut-être l'étudier par rapport au fait de faire une demande aux anges. Demander secours aux anges, demander protection aux anges. C'est du shirk, c'est pas du shirk. Mais ce n'est pas une étude des anges, de la foi aux anges en eux-mêmes, la foi au jour dernier. Ça n'entre pas ça dans la science du tawhid qui est plus restreinte que al-aqida. Donc le tawhid, c'est en lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième pilier, wa malaikati, croire aux anges. Donc croire aux anges, comme dit Cheikh Al-Uthaymin aussi, ceci comporte quatre choses. La première, al-iman bi wujudihim. La première chose, croire en leur présence. Croire qu'ils existent, en leur existence. Qu'ils sont existants. Il dit, الثاني الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه كجبريل ومن لم نعلم اسمه نؤمن به مجمالا. Croire, il dit croire, donc d'une manière spécifique à celui qui a été nommé comme Jibril. Jibril, il faut croire en l'existence de Jibril, mais aussi de manière obligatoire, c'est-à-dire la foi en Jibril n'est authentifiée que s'il y a croyance en son nom qu'il s'appelle Jibril. Dire je crois à un ange qui est responsable d'apporter la révélation au prophète, mais il ne s'appelle pas Jibril. Réfuter ce nom-là fait partie aussi du fait de réfuter Jibril à sa base. Donc croire aux anges qui ont été cités, nommés, hein, de manière spécifique, croire en Mikaïl, il a été cité, c'est une obligation. Croire en Jibril, il a été cité de manière spécifique, il est nommé, je suis obligé de croire en lui de manière spécifique. Malakul Maut, l'ange de la mort, je suis obligé de croire en lui de manière spécifique. Donc croire aux anges qui ont été cités dans le Coran de manière spécifique, il faut croire en eux de manière spécifique. Israfil, l'ange qui est responsable de souffler dans la trompe à la fin des temps, il faut croire aussi de manière spécifique à cet ange-là. Et celui dont on ne connaît pas le nom, on croit en eux de manière générale. Donc je crois tous les anges qu'Allah a créés. D'une manière générale. Car il en a créé plus que ceux qui sont simplement nommés. Dans un hadith authentique, parlant de Bayt al-Ma'mour, qui est donc une maison qui se trouve au-dessus de la Kaaba dans les cieux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que tous les jours, 70 000 anges entrent dans cette maison-là, puis en ressortent et n'y reviennent jamais jusqu'à la fin des temps. N'y reviennent jamais. Donc 70 000 anges chaque jour. Donc seul Allah connaît le nombre de ses anges, comme il dit dans Sourate Al-Mudathir, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ. Et seul Allah connaît le nombre de ses armées. Ne connaît le nombre des armées de ton Seigneur que lui, subhanahu wa ta'ala. Donc on ne connaît pas le réel nombre des anges, mais on y croit à tous de manière générale. Donc pour authentifier la foi, ça c'est important, pour authentifier la foi, il faut obligatoirement donc croire aux anges de manière générale. Et quand quelqu'un va entrer dans l'islam, on est obligé de lui dire, il faut que tu crois en Jibril, en Israfil, en Malak al-Maut, Munkir wa Nakir, Munkar wa Nakir, lui citer tout ça, et tous les hadiths. Est-ce que le prophète alayhi salatu wa salam a fait ça? Est-ce que les sahaba faisaient ça? Ils ne faisaient pas ça. Mais nous, en revanche, ce qu'on est obligé d'expliquer, c'est le sens de la shahada. Parce que les Arabes le comprenaient de manière instinctive. Quand un mécréant de Quraysh veut entrer en islam et qu'il prononce la shahada, il comprend les conditions que nous citons, nous, le nafi, l'ithbat, l'hasr, l'exhaustivité, que l'adoration ne doit être vouée qu'à Allah, il le comprend ça. Nous, ça, il y en a beaucoup qui ne le comprennent pas. Il dit la ilaha illallah, il va avec sa femme après le dimanche à l'église. Il dit, moi je suis musulman, elle est chrétienne, on va ensemble. Et il écoute le curé, son prêche, et elle vient le vendredi à la mosquée, ils se font une religion de binôme, un petit peu de christianisme, un petit peu d'islam. Non, lui, on est obligé d'expliquer, nous, aux gens, le kufr bit-tarout. Quelqu'un qui veut entrer dans l'islam, aujourd'hui, quelqu'un qui veut se convertir, ou même les maghrébins, turcs, les africains qui ont grandi là, les enfants d'immigrés, ne connaissent quasiment plus rien de leur religion. Tu ne peux pas lui dire, dis la ilaha illallah. Et il se convertit, la ilaha illallah, voilà. Il est musulman, on le prend dans nos bras, bienvenue en islam. Et après, le lendemain, il va faire n'importe quoi. Alors, il faut expliquer que c'est le rejet de toutes les divinités. Concernant les anges, quelqu'un veut rentrer en islam, on n'est même pas obligé de lui citer ça. Il est obligé de croire aux anges. Même si on peut lui expliquer les six piliers de la foi. Mais une fois que lui, il arrive dans le Coran, il lit les anges. Il lit qu'il y a des créatures qui s'appellent les anges. Al-Malaika. À ce moment-là, pour authentifier donc son islam, sa foi, obligatoirement, il doit croire aux anges de manière obligatoire. S'il réfute la croyance aux anges, il annule son islam. Ensuite, il va rencontrer Jibril. Il va rencontrer dans Surat Al-Baqara que Jibril et Mikaïl sont cités. Ou bien dans un hadith, ou bien dans un prêche ou autre. À ce moment-là, il est obligé aussi de croire, notamment lors de la lecture du Coran ou bien d'un hadith authentique, il est obligé de croire de manière spécifique à cet ange qui a été cité. S'il réfute cet ange-là, sa foi est annulée. Donc il faut une croyance générale et une croyance spécifique. La troisième, c'est la croyance en ce que l'on connaît comme description. La croyance en la description qui nous a été transmise. Comme la description de Jibril, par exemple. Le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a vu selon sa forme sous laquelle il a été créé, possédant 600 ailes. Donc ça a été rapporté, un hadith authentique. Quelqu'un dit, non, mais moi, je ne veux pas croire ça. Je crois à Jibril, mais là, les 600 ailes, non. Donc si le hadith est authentique, qu'il atteint ce degré-là, c'est une obligation pour authentifier sa foi, de croire à cela. Car c'est en vérité une mécréance à Allah et au prophète, alayhi salatu wassalam. C'est rejeter la véracité du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ces 600 ailes avaient fermé l'horizon, avaient recouvert l'horizon, comme c'est rapporté dans Sahih al-Bukhari. Quatrième notion, c'est croire donc aux actes, donc aux responsabilités qu'ils ont, aux actes qu'ils font. Bon, ils font des actes adoratoires, par exemple. Ils font du tesbih, de jour comme de nuit, sans aucune lassitude. Il y a Jibril, qui est celui qui apporte la révélation au prophète, alayhi salatu wassalam. Il y a Mikaïl, qui est celui qui est le responsable de la pluie, la végétation. Israfil, qui est responsable de souffler dans la trompe pour annoncer l'heure. L'ange de la mort, qui est responsable de récupérer les âmes, etc. Ça, vous le rencontrez dans des livres détaillant la Aqidah. Donc, dans les quatre points qu'a cité Cheikh Al-Uthaymin, ça, ce ne sont pas des points qui sont tous instantanément demandés pour authentifier la foi aux anges. Non, au début, c'est croire aux anges de manière générale. Une fois que je rencontre un ange nommé de manière spécifique, je suis obligé de croire en cela. Je rencontre la description de Jibril, je suis obligé de croire en cela. Donc si quelqu'un, au bout d'un an, il ne savait pas que, ou il découvre aujourd'hui que Jibril avait 600 ailes, il ne le savait pas, il ne refait pas sa shahada, il dit « Astaghfirullah, je rentre en islam, j'étais un kafir ». Non. Donc la foi aux anges. Croyance générale, croyance spécifique. La foi aux livres, pareil. Donc croyance générale et croyance spécifique. Je crois à tous les livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendus sur ses prophètes et messagers. Et on n'en connaît pas le nombre exact. Donc je crois de manière générale. Dans mon cœur, je dis, je crois à tous les livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendus. Et ensuite, il faut que je croie de manière spécifique aux livres qui ont été cités. Donc, Cheikh Al-Uthaymin dit que aussi la foi aux anges se compose de quatre choses. La foi, donc la croyance, que la descente de ces livres provient d'Allah subhanahu wa ta'ala de manière réelle. La seconde, la croyance à tout livre, donc dont le nom nous a été transmis. Comme le Coran, ainsi que la Torah, l'Injil, l'Évangile, qui a été descendu sur Isa alayhi salam, al-Tawrah qui a été descendu sur Moussa alayhi salam, wa Zabur qui a été descendu sur Daoud alayhi salam. Donc ce qui nous est parvenu de manière spécifique, nous y croyons d'une manière spécifique. Et ce qui nous est parvenu de manière générale, on y croit d'une manière générale. Al-Thalith, troisième composante de la foi au livre, croire en ce qui est authentique de leur information. Donc les informations du Coran, on croit en tout. Et les informations des livres précédents, c'est ce qui n'a pas été falsifié. Et comment on sait que ça n'a pas été falsifié? Comment est-ce qu'on le sait? Soit parce que c'est deux, trois catégories. Catégorie numéro un, ce qui est confirmé par le Coran et la Sunna. On appelle ça l'israélien. Ce qui a été confirmé par le Coran et la Sunna. Donc ça, on dit que c'est vrai. Parce que c'est confirmé par le Coran et la Sunna. Ce qui est réfuté par le Coran et la Sunna. Allah a créé les cieux et la terre en six jours et s'est reposé le septième. Non, ça, on n'y croit pas. Ceux qui croient en ça, c'est du kufr. Il va à l'encontre du Coran et il qualifie Allah subhanahu wa ta'ala d'une qualité qui n'est pas digne de la sienne et qui le prophète Allah subhanahu wa ta'ala dit la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Enfin, ils ne disent pas qu'il s'est endormi, ils disent qu'il s'est reposé. Simplement. Il s'est reposé. Na'udhu billah. Ça veut dire qu'il était fatigué, etc. Hasha subhanahu wa ta'ala. Donc ça a été démenti par le Coran et la Sunna, on est obligé de le réfuter. Puis ce qui n'est pas confirmé et qui n'est pas réfuté. Une information qui ne va pas a priori à l'encontre de ce qui est dans le Coran et la Sunna. Comme par exemple la spécification dans la Bible, on va dire, de l'arbre qui a été mangé par Adam alayhi salam. On va dire il est rapporté que c'était l'arbre. C'est le pommier chez eux, non? Nous, on ne dit pas, ah non, ce n'est pas le pommier. Allah a'alam. C'est peut-être le pommier, peut-être ce n'est pas le pommier. Parce qu'on n'a pas dans le Coran et la Sunna quelque chose qui authentifie que c'est le pommier. Si c'était authentifié, on serait obligé de croire en cette information. Mais on n'a pas quelque chose qui réfute aussi que c'est le pommier. Donc, de même, on ne réfute, ni on authentifie cette information-là. Al-Rabi'a, quatrième composante de la croyance au livre, Al-Amalu bi ahkam ma lam yunsakh minha wa ar-ridha wa taslimu bih sawa an fahimna hikmatahu am lam nafhamha. Donc ensuite c'est pratiquer donc les règles qui sont venues donc dans ces livres-là, donc c'est-à-dire le Coran. Les règles précédentes, c'est pareil, c'est ce qui est confirmé par le Coran et la Sunna, ce qui n'est pas confirmé, bien sûr, ce n'est pas à pratiquer car ce qui est apporté dans les livres précédents et de manière totale et absolue abrogé par le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui est dans les livres précédents et qui est cité dans le Coran. On avait parlé de la Milla d'Ibrahim. Bien ce qui est cité comme étant provenant de Isa alayhi salam, en termes de aqidah, en termes de choses où il est légiféré de le suivre. On le suit parce que ça a été cité dans le Coran. Mais de manière générale, la Torah et l'Évangile sont abrogés par le Coran. Donc ces livres-là sont désormais obsolètes et le seul livre qui doit être appliqué est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qur'an al-Karim, abrogeant tous les livres descendus par Allah subhanahu wa ta'ala précédemment. Donc ensuite, Cheikh Al-Uthaymeen parle des fruits de la foi au livre ainsi que des fruits de la foi aux anges. Mais je ne m'attarde pas à cela, même si c'est très important, mais ce n'est pas là notre sujet direct. Ensuite, le prophète alayhi salatu wasalam dit « wa kutubi » et ses livres, la croyance, non, « wa rusuli » pardon, et ses messagers. Donc la croyance aux messagers comporte quatre choses, comme le dit encore Cheikh Al-Uthaymeen. La première, la croyance que leur message est vrai. Donc celui qui mécroit à un message est mécréant à tous les messages, tous les messagers. Allah subhanahu wa ta'ala dit كذبت قوم نوح المرسلين. Le peuple de Nuh a mécru aux messagers, aux AUX messagers avec un S, aux messagers au pluriel, alors qu'ils n'ont reçu que Nuh alayhi salam. Et parce que mécroire en Nuh, c'est mécroire en tous les messagers. Tous sont venus avec le tawhid, avec l'unicité et le délaissement du shirk. Donc la mécréance en un seul prophète et la mécréance en tous les prophètes. Seconde composante de la foi au prophète alayhi salatu wasalam, donc croire de manière spécifique au nom de ceux dont les noms nous sont parvenus. Donc c'est comme les anges et comme les livres. On croit à tous les messagers de manière générale. On croit à tous les prophètes et les messagers de manière générale. Quand je suis donc face à une information du Coran ou de la Sunna, donc me précisant la qualité d'un prophète, me précisant le nom d'un prophète, précisant des informations sur celui-ci, je suis dans l'obligation d'y croire. Si c'est dans le Coran ou bien que le hadith est authentique. Donc l'information selon laquelle Moussa a été berger pendant 10 ans. Ça fait partie de la croyance en Moussa alayhi salam. Ça fait partie ça de la croyance au prophète alayhi salatu wa salam. Quelqu'un lit le Coran et il arrive à surat al-Qasas. Et il lit l'histoire entre Moussa et Shu'aib. Hein? Shu'aib donc lui a dit que je te marie à ma fille en échange de 8 ans. Donc de service. Après il lui a dit si tu finis 10 ans c'est de toi-même. Il a fait 10 ans ensuite. Où il a été berger, il s'est occupé. Donc des troupeaux de Shu'aib alayhi salam. Est-ce que ça, ça fait partie de la foi en Moussa alayhi salam? Celui qui mécroit en cette information-là, ça fait partie intégrante de la foi en Moussa alayhi salam. Celui qui ne croit pas à cela, bien que ce soit porté par le Coran, eh bien il ne croit pas en Moussa. Sa foi en Moussa alayhi salam, en réalité, est fausse. C'est une mécréance au Coran aussi, c'est une mécréance au prophète alayhi salatu salam, c'est une mécréance qui a divers profils. Troisième, تصديق ما صح عنه من أخبارهم. Donc, comme dit le Cheikh, croire en ce qui nous a été apporté comme récit information. C'est ce que je viens de citer. Quatrième, العمل بشريعتي من أرسل إلينا منهم. Donc, pratiquer la sharia, la législation de celui qui a été envoyé à nous. Donc, pour nous, c'est qui? Mohammed ibn Abdullah alayhi salatu wassalam. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ Allah dit dans surat al-Nisa فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ Non, par ton Seigneur, ils ne croiront pas. حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ Jusqu'à ce qu'ils te prennent comme juge dans leur sujet de dispute. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَدَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Puis ils ne trouveront pas donc dans leur poitrine de désagrément par rapport à ton jugement et se soumettront de manière totale. Ici, Allah a rejeté la foi de ceux, des gens, jusqu'à ce qu'ils prennent le prophète alayhi salatu wassalam comme juge dans leur sujet de divergence. Est-ce que ça, c'est le rejet de la foi, donc de la complétude recommandée, al-kamal al-mustahab, al-kamal al-wajib, ou bien asl al-iman? Asl al-iman. Donc là, c'est le rejet de asl al-iman, de la base de la foi. Celui qui ne prend pas le prophète alayhi salatu wassalam comme juge est un mécréant. Sinon, quel intérêt d'envoyer un prophète si jamais je peux appliquer d'autres lois que celles du prophète alayhi salatu wassalam. Ibn Hazm rapporte le Ijma' selon lequel celui qui applique la Torah est un mécréant. Et ceux qui disent que enlever la sharia et mettre des constitutions n'est pas du kufr, ils vont à l'encontre de cet Ijma' là. Car la Torah, sans aucun doute, c'est moindre en mal que mettre ce type de constitution là. La Torah, elle appelle à la chasteté. La Torah, elle interdit les intérêts. La Torah, elle interdit beaucoup de choses que n'interdisent pas ces constitutions aujourd'hui mises en place dans certains pays. Donc, ce prétendant musulman. Donc, le iman, il s'est rejeté, c'est l'asl. Ensuite, la foi. Bil yawm al-akhir. Wal yawm al-akhir. Le jour dernier. Donc, la foi au jour dernier, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, nous dit que ceci comporte 3 notions. La première, al-iman bil ba'th. Wa huwa ihya'ul mawta hina yunfakhu fi s-suri an-nafkhatu ath-thaniyah. La croyance en la résurrection. Donc qu'est-ce que croire au jour dernier? Qu'est-ce que croire au jour dernier? C'est 3 choses. La première, croire à la résurrection. Donc qu'après notre mort, nous allons être ressuscités par Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit donc c'est le fait de faire revivre les morts lorsque il va y avoir le deuxième souffle dans la trompe. Donc, il y a plusieurs souffles dans la trompe. Certains disent 2, d'autres disent 3. Je n'entre pas dans ce détail-là. C'est une divergence acceptable. Donc le Shir dit, lorsqu'il va y avoir le deuxième souffle d'Israfil dans la trompe, à ce moment-là, les gens seront ressuscités par Allah subhanahu wa ta'ala. فَيَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ Comme Allah dit dans surat al-Mutaffifin, يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ Omar ibn al-Khattab a entendu ce verset-là. Il est tombé malade 1 mois chez lui et les sahaba le visitaient. Il était couché dans son lit. Yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Le jour où les gens se lèveront pour Allah, le Seigneur des univers. Donc, hufat, ghayr munta'ilin, ils seront pieds nus, ils seront non circoncis, etc. Beaucoup d'informations qui ne sont pas tout de suite une obligation pour authentifier la croyance au jour dernier. Quelqu'un, au début, il croit au jour dernier de manière générale. Donc, je vais être ressuscité, je vais subir des comptes. Donc, comme c'est la deuxième notion, le prophète Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah dit la deuxième, al-iman bil hisab wal jaza, la croyance au compte et à la rétribution. Ça, c'est une obligation. Quelqu'un dit je crois au jour dernier. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, c'est le jour dernier, c'est un jour comme ça, éternel, il n'aura jamais de fin. C'est un jour. Non, ça, lui, il n'a pas le pilier de la foi. Obligatoirement, il doit comprendre que c'est un jour où il va avoir rétribution. Sinon, pourquoi il agit? Il délaisse le bien, il délaisse le mal, pardon, il fait le bien dans ce bas monde-là. Il n'a pas cette croyance-là. Ça, c'est une obligation. Ces trois notions-là authentifient la croyance donc au jour dernier. Donc, deuxième notion, citée par Cheikh Al-Uthaymin, al-iman bil hisab wal jaza, la croyance au compte et à la rétribution. Donc, le serviteur sera récompensé par le bien qu'il a fait ou bien le contraire, en fonction du mal qu'il aura fait. Donc, les versets sont nombreux, ainsi que les hadiths à ce sujet-là. Je ne m'attarde pas, ce sont des notions consensuelles entre les gens de la Sunna. La troisième, al-iman bil jannati wan nar, la croyance au paradis et à l'enfer. La croyance au paradis et à l'enfer. Ça aussi, c'est une obligation pour pouvoir authentifier cette croyance au jour dernier. Donc, le paradis, qui est la demeure des plaisirs pour les croyants, et l'enfer, la demeure des supplices pour les mécréants. Et la prédestination, bonne ou mauvaise? Donc, la croyance à la prédestinée, elle comporte quatre choses aussi. La première, la croyance en la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, global et détaillé de tout ce qu'il y a eu, a et il y aura. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a toujours tout su. Tout ce qui s'est passé, Allah l'a toujours su. Ce qui se passe, Allah l'a toujours su. Et ce qu'il se passera, Allah subhanahu wa ta'ala l'a toujours su. C'est ça que le shir dit. Donc la foi au qadar, à la prédestinée, comporte quatre choses. La première, al-iman bi anna Allah ta'ala alima kulla shay'in jumlatan wa tafsila. La croyance qu'Allah a toujours tout su de manière globale et détaillée. Donc Allah a toujours su qu'il allait y avoir une deuxième guerre mondiale. Ça, il l'a su. Mais il a su le nombre de morts, le nombre d'Allemands, le nombre de Français, le nombre d'Italiens, le nombre d'Américains, etc. Le nombre de balles tirées, il a toujours tout su de manière globale et détaillée. Subhanahu wa ta'ala. Azalan wa abada. Azalan, dans le passé, Allah l'a toujours su, dans le passé infini. Wa abadan, il l'a toujours su, subhanahu wa ta'ala. Sawa un kana thalika mimma yata'allaku bi af'alihi ou bi af'ali ibadi. Que ceci soit en lien avec ses actes à lui, donc ce que lui il fait, subhanahu wa ta'ala, ou bien que ce soit en lien aussi avec les actes de ses serviteurs. Donc quelqu'un fait la prière, Allah savait qu'elle allait faire la prière. À tel moment, à tel endroit, tant de raka'at qu'il allait lire tel surah. Il y a un tremblement de terre, ce qui n'est pas l'acte d'une personne. Ça, Allah subhanahu wa ta'ala savait qu'il allait faire cette chose-là à ce moment-là. Subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose composant la foi en la prédestinée. Al-iman bi anna Allah kataba dhalika fil lawh al mahfouz. وفي هذين الأمرين يقول الله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. La croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala la croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit ceci. Donc quoi donc? Qu'est-ce qu'il a écrit? Tout ce qui allait se passer. في اللوح المحفوظ, donc dans la tablette gardée qui se trouve dans les cieux. Allah subhanahu wa ta'ala dit donc dans Surat Al-Hajj, verset 180, ne sais-tu pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il y a dans le ciel et la terre? Ceci se trouve dans un livre et ceci est pour Allah facile. Aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit مَا أَصَابَ بِمُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا. Il n'y a pas quelque chose qui vous atteint. Donc sur terre, ou bien en vous-même, sans que cela soit dans un livre, avant que nous le faisions apparaître. Avant que ceci soit donc créé par Allah subhanahu wa ta'ala, que ceci ne t'arrive, ceci était déjà dans un livre. Et dans Sahih Muslim, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, « كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ. Allah subhanahu wa ta'ala a écrit la prédestinée des créations, donc des créatures, avant de créer les cieux et la terre. 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Troisième niveau, troisième composante de la foi en la prédestinée, al-imanu bi anna jami' al-ka'inati la takunu illa bi mashi'ati Allah ta'ala. La croyance que toutes les créatures ne sont que de par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que de par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dans le surat al-Qasas, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit. » Dans surat Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa yaf'alu Allahu ma yasha'a » et Allah fait ce qu'il veut. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi « Wa huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha'a » et c'est celui qui vous façonne dans les matrices comme il veut. Donc le royaume étant le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a dans ce royaume que ce que Allah veut. « Ma sha'a Allahu kan wa ma lam yasha'a lam yakun » Ce que Allah veut, que ce soit, ce sera, et ce que Allah ne veut pas que ce soit, ce ne sera jamais. Quatrième niveau, al-iman bi anna jami' al-ka'inati makhluqatun lillahi ta'ala bi dhawatiha wa sifatiha wa harakatiha. La croyance que toutes donc les choses présentes, les créatures, donc sont que toutes les entités présentes sont des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bizawatiha. Donc, en elles-mêmes et avec leurs qualités et leurs mouvements. Donc, tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit Allahu khaliqu kulli shay. Surat al-Zumar. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Et Allah a créé toute chose. Il a déterminé. Surat al-Furqan, verset 2. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, le prophète Ibrahim, alayhi salam, a dit à son peuple, « Wallahu khalaqakum wa ma ta'amaloun » Et Allah vous a créé ainsi que ce que vous faites. Donc même les actes des personnes sont créés. Donc ça, ce sont les quatre niveaux du qadar. Donc le premier niveau du qadar, al-ilm, la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. La science passée d'Allah subhanahu wa ta'ala, et future, il connaît tout. Ce qu'il y a dans le passé et dans le futur, de manière globale et détaillée. Deuxième niveau, quel est-il ? L'écriture. Tout ceci a été créé, écrit sur la tablette gardée. Troisième niveau, la volonté divine. Lorsque Allah veut quelque chose, elle est. Donc quatrième niveau, il crée cette chose-là. Tout ce qui est en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est créé. Mais la volonté divine d'Allah subhanahu wa ta'ala universelle, c'est celle-là, cette volonté-là qu'on a citée, cette mashi'a, elle est universelle ou législative, le troisième degré? Universelle, c'est pas législative. On dira, ah, mais Allah il veut qu'on prie, on prie pas, donc ce qu'il veut, c'est pas obligatoirement exécuté. Non, on parle de la volonté universelle. Sa volonté législative n'est pas obligatoirement exécutée parce que il l'a voulu subhanahu wa ta'ala et c'est sa sagesse afin de voir ceux qui volontairement vont l'adorer ou pas. S'il avait dit prier, tout le monde prie, se met en soujoud, même malgré soi, il n'y avait pas d'intérêt, il n'y a pas d'enjeu dans la création du paradis, de l'enfer, du châtiment, de la récompense. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit et que tu crois en la prédestinée bonne ou mauvaise. La base dans la prédestinée, on dit qu'il n'y a que de prédestinée bonne. Il n'y a pas de mauvaise prédestinée. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit wa sharru laysa ilayk dans une longue doua et le mal ne t'est pas attribué car les actes divins ne sont que du bien. Les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ne comporte pas de mal. Il n'y a pas de mal qui émane d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces actes sont toujours pleins de sagesse jalla fi'ula. Pourtant ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit bil qadri khairihi wa sharri. Donc le mal il est attribué à ce qui est décrété. Parce que le mot prédestiné, nous quand on dit prédestiné, en arabe, c'est pour ça que les masadir sont importants. Il y a le masdar, prédestination, qui est l'acte divin. Le fait qu'Allah prédestine quelque chose. Le masdar. Allah a prédestiné la mort de telle personne, tel jour, à telle heure. Le fait qu'Allah ait prédestiné ça. Ça, c'est le qadar. Et la mort de la personne. L'état, le résultat Donc de la science, de l'écriture, de la volonté et de l'exécution. Le résultat de ça, je n'ai pas dit ça. La prédestinée dans le sens masdar, c'est ces quatre choses-là. Allah l'a toujours su, Allah l'avait écrit, Allah l'a voulu, et Allah a créé la mort de cette personne. Cette personne est morte. Ça, c'est la prédestinée, la prédestination dans le sens masdar, l'acte divin. Ça, c'est un khair, ça. Toute la prédestinée, les actes divins, c'est du khair. Mais la mort d'un de tes proches, la mort des musulmans aujourd'hui dans le monde, les enfants tués injustement, c'est un bien. La mort en tant que résultat, en tant que maqdi, en tant que chose décrétée, en tant que chose décrétée, c'est un mal. Le résultat, ça c'est un mal. Mais l'opération de prédestination, hein, qui est l'acte divin, ça c'est un bien. C'est un bien, qu'il y a une sagesse dedans, pour voir les patients, des non-patients, pour voir ceux qui ont la réelle foi en Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et autres sagesses que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Mais al-maqdi, al-qada, donc la prédestination, c'est toujours un bien. Al-maqdi, on peut se mettre en colère contre le maqdi, pas contre celui qui a prédestiné. Il y a quelque chose qui arrive. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettait en colère parfois, suite à une situation. Est-ce qu'il se mettait en colère parce que Allah a prédestiné ça, ou bien contre cette chose-là simplement? Donc contre cette chose-là. Mais il agrée le fait qu'Allah ait prédestiné ça. Mais l'acte de la personne qui est décrété, ça nous met en colère. Quelqu'un qui parle sur son frère, ça te met en colère. Et tu lui ordonnes le bien, tu lui interdis le mal. Quelqu'un qui vole, ça te met en colère. Et c'est un mal, ce vol-là. Mais dans la globalité de la prédestinée d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un bien. Car il y a une sagesse là-dedans. Donc le qadar, il est qualifié en bien lorsqu'on prend en compte Allah. Et il est qualifié en bien ou en mal lorsqu'on prend en compte ce qui a été décrété. La nuance est comprise, les frères ? La nuance est comprise. وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذِهِ الْأَرْكَانِ السِّتَّةِ قَوْلُهُ تَعَالَى. Et la preuve donc de ces six piliers-là est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, لَيْسَ الْبِرَّ, le bien, la piété n'est pas أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. Le bien ne consiste pas à orienter vos visages vers l'Orient ou bien l'Occident. Ceci par rapport au fait que la Qibla a changé. La Qibla au début c'était en direction de Al-Aqsa, puis ensuite elle a été en direction de Mejid al-Haram, de la Mecque, de la Kaaba. Donc Allah dit que la piété ne consiste pas réellement à s'orienter de ce côté ou bien de ce côté, hein, du côté du lever du soleil ou bien de son coucher. Walakinna, mais plutôt al-bir, le bien, c'est celui qui croit en Allah. من آمن بالله واليوم الآخر et le jour dernier والملائكة et les anges والكتاب et le livre والنبيين et les prophètes. Donc ceci, ce sont cinq piliers parmi les six piliers de la foi cités dans le hadith de Jibril. ودليل القدر, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rapporte donc le dalil pour confirmer le sixième pilier qui est إنا كل شيء خلقناه بقدر. Nous avons tout créé avec, donc, prédestiné. Donc, ceci était quelques paroles concernant les six piliers de la foi, cités par Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et ensuite, cité donc ces deux versets-là pour pouvoir confirmer ces six piliers-là. Donc là, nous avons terminé de manière assez succincte quand même. Mais je ne veux pas trop m'étaler dans la foi, car si nous faisons Nawaqid al-Islam, je ferai un cours, voire deux, détaillé sur la foi chez Al-Sunna et Al-Khawarij et Al-Jahmiya, car en réalité Al-Usul al-Thalatha, c'est pas un texte qui supporte autant de détails, car c'est un texte pour débutants et pour que le musulman authentifie sa religion en connaissant ce qui n'est pas sans s'ignorer. Donc entrer dans ces détails du Iman, ce n'est pas trop judicieux. Allahu A'lam. Donc nous arrivons à Al-Martabatu al-Thalitha, le troisième niveau. On continue? Ça va aller assez vite là. L'ihsan, ça ne devrait pas prendre trop de temps. Donc le troisième niveau de l'islam, dans son sens général, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième niveau est l'ihsan. al-ihsan, que nous allons traduire par l'excellence, la perfection. Wallahu a'lam. Donc nous avions dit que al-islam dans son sens général est composé de trois niveaux. Le premier, al-islam, qui renvoie aux actes extérieurs, authentifiés par le minimum intérieur, et al-iman, qui est les croyances intérieures authentifiées par un minima requis extérieur. Et ici, nous arrivons au ihsan. Nous avions dit au cours dernier que ces trois domaines-là peuvent être schématisés par trois cercles concentriques. Le premier, au plus grand diamètre, sera, je vous demande, al-islam. Le second, al-iman. Et le troisième, al-ihsan. Donc, quelqu'un, pour entrer en islam, doit prononcer la shahada. Il prononce la shahada en sachant ce qu'il dit. Et nous, on ne peut pas ouvrir les poitrines et regarder s'il a dit avec sincérité, avec amour, avec sitre. Ça, on ne le sait pas. Donc, il entre dans le premier cercle, au plus grand diamètre, avec la prononciation de la shahada. Ensuite, il va être interpellé par des ordres divins et aussi par des interdits, dont le premier est la salat, la prière. S'il ne prie pas, il retourne où ? Il va réintégrer le domaine infini en dehors des trois siècles lorsqu'il va délaisser la prière. Il repart dans la nature avec les koufars. Bon, maintenant il commence la prière. Il commence la prière, il ne fait pas de haram et il ne fait pas de péché. Il passe du premier cercle qui est al-islam au deuxième qui est al-iman. Il devient un moumin. Ça devient un croyant. Et là, le moumin, il fornique à ce moment-là. Chez le Khawarij, il fait quoi ? Il fait un bond de deux cercles. Il repart dans le domaine illimité des koufars. Du iman, il ressort. Il repart chez les koufars. Chez les Mu'tazila, il est où ? Un quatrième cercle. Quatrième cercle. Après l'islam, ils ont un quatrième cercle. T'as le kufr, après t'as un autre cercle. Menzila beina menzila. Tiens, un niveau entre deux niveaux. Mais ce cercle-là, dans l'au-delà, il t'épargne pas. Tu seras éternellement en enfer. T'as pas le nom de kafir ici, mais tu seras en enfer. Ça change rien. Pas une éloge. T'as compris ça ? Bon, celui qui fornique, qui était dans l'imen, il passe où, lui ? Il passe dans l'islam. Après l'ihsan, il n'y a qu'Allah qui les connaît. L'ihsan, c'est celui qui, comme on va voir, adore Allah subhanahu wa ta'ala comme s'il le voyait. Même s'il ne te voit pas, sache qu'il te voit. Hein, comme on dit, certains chouyours, les gens très proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont une muraqaba, mettent en présence la supervision, l'observation de leur Seigneur, où qu'il soit, de jour comme de nuit, en marchant, en étant immobile, en droit, où qu'il soit, toujours ils ont cette observation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils observent comme s'ils observaient Allah, et ils ont aussi cette mise en présence qu'Allah les voit, les entend dans tous leurs états. Et ça, c'est un niveau. Allahumma barik, Allah subhanahu wa ta'ala nous permet d'atteindre. Inch'Allah. Et Allah aime ces gens-là. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah subhanahu wa ta'ala aime les gens de ihsan. Donc, al-ihsan, Cheikh Al-Uthaymeen dit dans la langue arabe, c'est diddu al-isa'a. C'est le contraire de faire du mal. Al-ihsan, c'est faire du bien. C'est pour ça qu'on souvent, dans certaines traductions, on voit bienfaisance. Et Allah aime les bienfaiteurs. Mais dans le sens là, ihsan, dans ce domaine de la aqida, c'est un autre sens que simplement la bienfaisance. Wa huwa an yabdhula al-insanu al-ma'rufa wa yakuffa al-adha fa yabdhula al-ma'rufa li'ibadillahi fi malihi wa jahihi wa 'ilmihi wa badanihi. Allah akbar. Donc al-ihsan, c'est le contraire de faire du mal. Il dit donc c'est de faire c'est que la personne donc fasse le bien autour de lui, donc autour de lui, au serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers son argent, sa personne, sa science, son corps, et qu'il délaisse le fait de leur faire du mal. Donc il fait du bien et il ne fait pas du mal. Après il explique l'argent, qu'est-ce que dépenser sa science, des notions qui sont assez longues. Mais aussi, Cheikh Al-Uthaymeen dit « Amma bin nisbati lil ihsan fi ibadatillah » Quant au ihsan dans la ibada, dans l'adoration. Il dit, donc comme le dit le hadith, « Fa an ta'bud Allah ka annaka tara » C'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. « Kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam » Comme l'a dit le prophète alayhi salatu wa sallam. Dis donc, c'est l'adoration hein, du serviteur, comme s'il voyait donc son Seigneur. Il dit, c'est donc une adoration de demande et d'aspiration. Ibadatu talabin wa shawq. C'est l'adoration de quelqu'un qui a une demande et une aspiration, qui espère la rencontre d'Allah, qui regarde de l'avant. Et ensuite, il y a un degré qui est moindre, qui est fait in lam takun tara fa innahu yarak. Et si jamais tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Il dit ça, c'est l'adoration ibadatul harabi wal khawf. C'est l'adoration de la fuite et de la peur. Qui a un degré moindre? Il y a le premier degré du ihsan, donc le ihsan en lui-même est composé de deux degrés, le premier qui est supérieur au second et qui est l'adoration par aspiration, par demande. Et il y a la seconde qui est plus fondée sur la crainte que sur l'amour et qui est donc celle de la fuite, du châtiment et de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si jamais tu ne peux pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais donc par aspiration et demande, au moins que ce soit par fuite et crainte. Cheikh Al-Uthaymeen dit donc que ce second degré chez les savants donc du comportement et de la tazkiya, c'est un degré qui est moindre que le premier qui consiste à adorer Allah subhanahu wa ta'ala par demande, aspiration. Donc al-ihsan, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a dit ruknun wahid. Il est composé d'un seul pilier. Wa huwa an ta'bud Allah ka annaka tara, que tu adores Allah comme si tu le vois, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Donc c'est un seul pilier mais lui-même composé de deux degrés différents dont le premier est supérieur au second. Wa dalilu qawluhu ta'ala, et la preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc observez bien la manhajia que vous donne Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il rapporte toujours des dalils. Et c'est comme ça que doit être éduqué l'étudiant, c'est-à-dire suivre toujours le dalil. Les chouyoukh en eux-mêmes ne sont pas des preuves. Ça, c'est important, ça. Tout le monde le dit sur sa langue. Mais quand tu viens et que tu discutes avec certains, tu vois qu'ils sont plus dans les paroles des chouyoukh que les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ces paroles ont besoin de preuves. Elles ne sont pas des preuves en elles-mêmes. C'est pour ça que le shir apporte des dalils. Et même les paroles du shir en elles-mêmes sont souvent les termes des hadiths. Vous observez que pour nous expliquer l'islam, il a pris les expressions du hadith d'Abdullah ibn Omar. Pour nous expliquer les piliers de la foi, il a repris les termes du hadith de Jibril. Pour nous expliquer l'ihsan, il a repris les termes du hadith de Jibril aussi, ce qui montre que c'était quelqu'un qui était très fermement accroché à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Donc la preuve du ihsan, إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala est avec ceux qui craignent et ceux qui sont donc muhsinoun. Allah est avec eux. Donc ça c'est une ma'iyya. Al-ma'iyya, donc que l'on va appeler la compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala, est de deux sortes. Al-ma'iyyatu al-amma. Al-ma'iyya générale. Le fait de dire qu'Allah est avec quelqu'un, quelque chose. Donc Allah est avec toute sa création par sa science, par son ouïe, subhanahu wa ta'ala, son sam', par son basar. Donc rien n'échappe à la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun son n'échappe au sam', à l'ouïe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aucune information n'échappe au ilm d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce sens-là, Allahu ma'a jami'i khalqihi. Allah est avec toute sa création. Ça c'est la ma'iyya général. Ensuite, il y a al-ma'iyyatul khassa. Donc ça c'est la compagnie, l'aide, l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la compagnie spécifique dans le sens de son aide et de son assistance. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit "Inna Allaha ma'a alladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun", Allah est avec les gens pieux. Ici c'est cité dans le sens spécifique, c'est-à-dire qu'il les assiste, il les aide, il les raffermit sur le chemin de la vérité. Lorsqu'on dit qu'Allah est avec les croyants, Inch'Allah, partez, Allah est avec vous. Allah est avec vous. C'est dans le sens général que tu vas motiver un musulman à ça, ou dans le sens spécifique? Dans le sens spécifique. Qu'Allah soit avec vous, Inch'Allah. C'est dans le sens spécifique. Parce que Allah est avec eux dans le sens général. Mais cette compagnie générale, compagnie, attention, ce n'est pas à comprendre dans le sens de proximité physique comme comprennent certains égarés, non. Allah subhanahu wa ta'ala, mustawin ala arshi, il est établi sur son trône, subhanahu wa ta'ala. C'est une compagnie, comme j'ai dit, par l'ouïe, la vue, la science, donc sa rouboubia, sa seigneurie. Et tout le monde donc est dans cette ma'iyya-là, dans cette compagnie générale. Et la compagnie spécifique est celle des bienfaiteurs, des croyants, des musulmans. Qu'Allah fasse qu'on en soit, inshallah, qu'on en fasse partie. Donc, inna Allah ma'a alladhina attaqaw alladhina hum muhsinun. Donc, alladhina hum muhsinun. Il y a le dalil du ihsan ici. Le muhsin, c'est le nom d'action de celui qui fait preuve de ihsan, qui est qualifié d'ihsan. Wa qawluhu ta'ala, wa tawakkal 'ala al-'aziz ar-rahim. Wa tawakkal 'ala al-'aziz ar-rahim, et remettant au 'aziz puissant ar-rahim, le tout miséricordieux, alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi as-sajidin. Alladhi yarak, celui qui te voit, qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui te voit, hina taqum, lorsque tu te lèves. Wa taqallubaka fi as-sajidin. Et il voit tes mouvements parmi les gens de la prosternation. C'est-à-dire, il te voit tout le temps. Allah n'a pas cité ces deux positions-là, lorsque tu es debout, bien lorsque tu es en prosternation, dans le sens de l'exhaustivité. Allah subhanahu wa ta'ala le voit et l'entend, et c'est ce qu'il fait de manière totale et absolue. Innahu huwa as-sami'ul 'alim. Car effectivement, huwa, c'est lui, as-sami'u, le tout-entendant, al-'alim, l'omniscient. Wa qawluhu ta'ala, wa ma takunu fi sha'n. Et tu n'es pas dans une situation, donc quelle qu'elle soit. Nous avions dit an-nakira fi siyaqi an-nafi tufidu al-'umum. L'indéfini dans le contexte de la phrase négative quand il est précédé par une négation, qu'est-ce qu'il induit? Al-umum, la généralité. Et tu n'es pas dans une position, quelle qu'elle soit. Et tu n'es pas dans une situation, quelle qu'elle soit, quelle que soit cette situation. وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنِ. Et tu ne psalmodies pas le Coran. وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ. Et vous ne faites pas un acte, إِلَّا كُنَّ عَلَيْكُمْ شُهُودًا. Sans que nous soyons témoins, donc, de ce que vous faites. إِذْ تُفِيدُونَ فِيهِ. Lorsque vous commencez cet acte-là. Donc, lorsque un acte est fait, lorsqu'une parole est dite, lorsqu'une pensée est pensée, lorsqu'un mouvement est fait, quelle que soit cette chose-là, par qui que ce soit, où que ce soit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, إِلَّا كُنَّ عَلَيْكُمْ شُهُودًا. Nous sommes témoins. Nous vous voyons, nous vous entendons, nous savons ce que vous faisiez. إِذْ تُفِيدُونَ فِيهِ أَيْ إِذْ تَشْرَعُونَ فِيهِ. C'est-à-dire, lorsque vous commencez cet acte-là, quel qu'il soit, nous sommes témoins. والدليل من السنة. Et la preuve de la sunna est le hadith de Jibril. Un hadith qu'il faut tous apprendre par cœur, mes frères. Le musulman, bihaoulillah, il doit, inshallah, essayer d'apprendre ce hadith-là, qui est un hadith fondamental dans notre religion. Il faut essayer de faire l'effort de l'apprendre, bi'idhnillah azzawajal. Donc la preuve de la sunna, hadith ou Jibril. On l'appelle hadith ou Jibril. Certains savants l'appellent Ummul Ahadith, la mère des hadiths aussi. Al-Mashhur an Umar ibn al-Khattab, donc qui est connu, rapporté selon Omar ibn al-Khattab radiyallahu an. قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم. Alors que nous étions assis auprès du prophète صلى الله عليه وسلم, إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. À ce moment-là, donc entra un homme, entra parmi nous رجل, un homme شديد بياض الثياب, qui avait les vêtements très blancs. شديد سواد الشعر, qui avait les cheveux très noirs. La yura alayhi atharu safar. On ne voyait pas sur lui les traces du voyage. Wa la ya'rifuhu minna ahad. Et personne parmi nous ne le connaissait. Fajalasa ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette personne qui est entrée possédait des vêtements très blancs. Et la couleur blanche est la couleur que s'efforcent souvent de mettre les savants et les étudiants en science. Rarement vous verrez un savant mettre de la couleur parfois dans des doros ou dans une muhadara, souvent ceux qui sont cramponnés, et c'est autant que possible en raison de ce hadith-là de mettre du blanc comme l'a fait Jibril lorsqu'il est venu demander donc des informations au prophète alayhi salatu wassalam. Il est venu aussi propre, on tire donc de ce hadith-là qu'il faut être propre dans nos assises de science. Ijlalul ilm hada min al-iman. Donner de l'importance à la science, ça fait partie de la foi. Donc celui qui est assis dans un cercle de science, il est censé venir dans un vêtement propre pour honorer cette assise-là, car il va, qu'est-ce qu'il va faire? Entendre des versets, entendre des hadiths du prophète, entendre des paroles de Sahaba radiyallahu anhum. Et l'imam Malik rahimahullah était dans, selon ce minhaj là. Il avait une jariya, une servante, une portière qui lorsque les gens venaient donc pour demander quelque chose au sujet à l'imam Malik, donc elle venait à l'imam Malik et disait: tu es demandé, on t'appelle, on te demande. Et il disait: tu leur demandes est-ce qu'ils veulent le fiqh ou bien le hadith. Et si la servante disait ils veulent le fiqh, il sortait dans son état, qui était un état déjà un état digne de ce nom-là. Mais lorsque c'était pour lire le hadith du prophète alayhi salatu wasalam, il prenait un bain rituel, mettait son turban, s'habillait de blanc, se parfumait, et disait ijlalan li ahadith an-nabi alayhi salatu wasalam, par vénération, importance des hadiths du prophète alayhi salatu wasalam. Certains ne voulaient pas entendre les hadiths debout. Certains salafs sont arrivés dans des cercles où il n'y avait plus de place pour s'asseoir. Il était debout et il est reparti chez lui. Il n'est pas resté debout à écouter le hadith. C'était un manque de adab pour lui, de rester debout et d'écouter. Donc, donner de l'importance au hadith, au ilm, ça fait partie des qualités des gens proches d'Allah, bi'iznillahi azza wa jal. Et il était aussi bien peigné. Il avait les cheveux bien noirs, pardon, donc bien propres. Donc, les salafs se huilaient les cheveux, avait toujours une belle apparence pour pouvoir donner la science à autrui ou bien l'apprendre. La yura alayhi atharu safar. Donc on ne voyait pas sur lui les traces du voyage. Et pourquoi cette remarque est faite? Parce que cette personne qui est inconnue, elle est logiquement venue à pied ou en monture, et les terres là-bas sont désertiques, il y a des tempêtes de sable, tout est sableux. Donc logiquement, elle devrait être sale. Comment ça se fait qu'on ne le connaît pas, il n'est pas sale? C'est pas quelqu'un qui est là, qui est sorti de chez lui et est venu. Quelqu'un qui est venu en voyage. Il n'est pas sale, ce qui est étrange. Et personne ne le connaissait parmi nous. Il s'est assis auprès du prophète, alayhi salatu wasalam. Donc ça aussi, c'est un adab, on s'assoit. Quand on veut demander quelque chose, on s'assoit. On s'assoit pour... Ça, c'est la base. Il peut y avoir demande de science dans d'autres contextes, comme ça s'est fait sur des montures. Le prophète, alayhi salatu wasalam, dit à Ibn Abbas, alors qu'il est derrière lui sur sa monture: « Oh, jeune homme, ne veux-tu pas que je te... donne quelques paroles. » Mais la base dans la science, el-julous, c'est s'asseoir. Le prophète, alayhi salatu wasalam, fait l'éloge des hilaq, des cercles de science, des assises de science. À la base, on n'apprend pas comme ça, debout, le ilm d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et du prophète, alayhi salatu wasalam. Donc, Jibril s'est assis. Et c'est aussi un signe d'humilité, notamment si la personne est assise. Ça, c'est un manque d'adab, de poser une question debout à quelqu'un qui est assis. Un cheikh est assis et moi debout je lui pose une question. Non, je m'assois. Et je fais preuve d'humilité car il est en position de supériorité possédant une science que je n'ai pas. Et pour Allah subhanahu wa ta'ala, je fais preuve d'humilité pour Allah azza wa jal. Et par respect de ces gens de science qui sont les héritiers des prophètes alayhi salatu wa salam. Donc Jibril s'est assis. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Il a donc collé ses genoux aux genoux du prophète alayhi salatu wasallam. Il a posé ses mains sur ses cuisses. Les cuisses du prophète ou bien ses propres cuisses à lui. Donc de Jibril alayhi salam. Les deux paroles sont citées dans les shuruh, les explications du hadith. Wallahu a'lam, même si c'est ses cuisses à lui qui paraît être le plus prépondérant. Et il dit, Ya Muhammad, oh Muhammad. Donc il l'a interpellé par son prénom. Ce qui à la base va à l'encontre de la bienséance établie par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran qui dit n'interpellez pas le prophète alayhi salatu wasalam comme vous vous interpellez les uns les autres. Mais ceci peut-être pour plusieurs raisons. Sûrement pour accentuer le fait que c'est quelqu'un qui est étrange à la Mecque, à Médine pardon, car le hadith a été cité en Médine ici. Pour accentuer le fait qu'il ne fait pas partie des habitants de Médine. Et ça, c'était l'habitude des campagnards, des gens qui habitaient en périphérie de Médine. Eux appelaient le prophète, alayhi salatu wasalam, comme ça, Ya Muhammad, souvent, car ce sont des gens qui font preuve de khushuna, de dureté, de robustesse. Ce sont les campagnards, c'est connu. Même aujourd'hui, les campagnards sont toujours des gens qui sont des gens assez durs. Donc, ils faisaient preuve de spontanéité avec le prophète alayhi salatu wasalam en disant « Oh Muhammad !» Et Jibril alayhi salam ici, donc a utilisé cette expression. Et a dit, Ya Muhammad, oh Muhammad, akhbirni anil islam. Informe-moi au sujet de l'islam. Le prophète alayhi salatu wa salam lui répondit, donc, antashhada an la ilaha illallah, nous avions vu ça, wa anna Muhammad ar-Rasulullah, wa tuqima as-salah, wa tu'tiya az-zakah, wa tasuma ramadan, wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila. Donc, que lui a cité le prophète alayhi salatu wa salam ici, en réponse à la question, qu'est-ce que l'islam ? Les cinq piliers. Il lui dit, sadaqt, il lui dit, tu as dit vrai. Fa'ajibna lahu, yas'aluhu wa yusaddiqu. Nous nous sommes étonnés, dit Omar. Il le questionne et lui confirme qu'il est dans le vrai, qu'il dit vrai. Car ce n'est pas l'habitude de quelqu'un qui pose une question. Et ça, nous, on ne le fait pas, ça. On ne dit jamais un shir sadaqt. Mais ahsant, il y en a, ils font comme ça. Ils donnent la réponse, ils disent ahsant. Non, pas ahsant. Jazakallah khair, barakallahu fi. Toujours faire preuve d'humilité. Et aussi, ce n'est pas une preuve que l'on peut poser une question dont on connaît la réponse. Ça ne fait pas partie non plus du edeb. Et c'est aussi une des lacunes aujourd'hui rencontrées chez beaucoup d'étudiants qui posent des questions et connaissent la réponse. Mais il veut simplement comparer. Cheikh, qu'est-ce que tu penses de ça ? Et connaît la réponse d'un autre cheikh. Et c'est parfois pour comparer. Parfois pour prendre le plus facile. Ça déjà, c'est quelque chose qui n'est pas louable. Mais c'est encore pire lorsque c'est pour souvent comparer entre tel shir et catégoriser ensuite. Car cette personne-là, inconsciemment ou consciemment, elle intériorise en elle une grille de lecture. Donc je connais la réponse de tel shir. Je vais aller voir tel autre shir pour le classer dans une grille que celui connaît, soit la grille des gens vraiment sur la sunna, des gens de la bid'a ou bien... Même pour faire ça, tu ne testes pas un shir pour savoir s'il est dans la bid'a ou pas. Parce que la base, c'est que tu dois te comporter avec les gens par ce qui apparaît. Par ce qui apparaît comme acte. Et les actes renvoient à la aqida. Donc nous, à la base, on ne questionne pas. Et c'est une bid'a, ça. L'imam al-Bukhari l'a dit. Al-imtihanu fil i'tiqad ibtida. Tester les gens dans la aqida, c'est une bid'a. Donc tu ne testes pas. Les gens, ils disent, il est où Allah ? Tu dis comme ça, il est où Allah ? Le prophète, alayhi salam, ne l'a pas dit à la fille pour la tester de manière absolue. Dans deux cas, les savants disent on a le droit de tester la aqida. La première, si jamais on veut libérer une esclave, un ou une esclave, et pour une kafara, donc pour se rattraper donc d'un péché, et que la kafara conditionne que la raqaba, donc que l'esclave qui va être libéré et croyant. Alors dans le Coran, parfois, la raqaba, l'esclave à libérer, c'est un esclave comme ça, mutlaq, de manière absolue. Donc, tu peux libérer un esclave croyant ou bien un esclave musulman. Mais dans d'autres cas, c'est raqabatin mu'mina. Comme par exemple, pour le meurtre involontaire. Donc, si jamais je dois libérer un esclave croyant, je le teste là, si je ne sais pas qu'il est croyant ou pas. J'arrive dans un marché, je veux l'acheter pour le libérer. Il y avait avant des marchés comme ça, il y a un esclave. Donc si jamais je veux acheter un esclave pour le libérer, je prends comme ça et je le libère sans savoir qu'il croit ou pas. Là, je le teste. Et aussi, pour tester un espion éventuel aux frontières. Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Ya ayyuha alladhina amanu, idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin, famtahinuhunna, Allahu a'lamu bi'imanihin. » Oh, vous qui avez cru, lorsque les croyantes viennent à vous, donc en tant que muhajirat, pour s'exiler, testez-les dans leur foi. Et Allah est plus savant de leur foi. Ceci, c'était pendant le sulh de l'Hudaybiyah. Il se pouvait que certaines personnes se disent musulmanes et partent de la Mecque pour venir se réfugier à Médine, mais en réalité, c'était des mécréants espions. Donc par crainte que des femmes viennent se réfugier, il n'était pas permis, il fallait les tester. Car sur l'Hudaybiyah, qu'est-ce qu'il disait ? Tout musulman s'enfuyant de la Mecque vers Médine, vous devez nous le renvoyer. Vous devez nous le renvoyer. Entre le prophète A.S. et Abu Sufyan. Il y a eu donc ce pacte. Et il y avait comme condition, donc pas de guerre pendant 10 ans, et il n'y a pas de Hajj ni de Umrah cette année. Et toute personne qui s'enfuit de la Mecque musulman est venant à vous, il doit être renvoyé à Médine. Et toute personne qui apostasie, qui part de chez vous pour venir chez nous, nous on ne vous le renvoie pas. Le prophète alayhi salatu wasalam a accepté. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ensuite, donc, il a fait exception par rapport aux femmes. Les femmes qui viennent, on ne les renvoie pas. Même si à la base le contrat c'était pour tout le monde, hommes et femmes. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit que les femmes, on ne les renvoie pas. Parce qu'elles sont fragiles et elles sont en danger là-bas. Donc les femmes qui s'enfuyaient et venaient, on les acceptait. Mais après les tester pour être sûr que ce n'est pas une espionne. Donc Allah dit, oh, vous qui avez cru, lorsque les croyantes viennent à vous en exil, testez-les et Allah connaît leur foi. Donc ce sont deux cas où il est permis de tester. Mais donc il s'est assis auprès du prophète sallam, a collé ses genoux contre ses genoux, posé ses mains sur ses cuisses et il a dit, oh Muhammad, informe-moi au sujet de l'islam. Il lui a donné les cinq piliers. Donc y a-t-il islam avec ses cinq piliers, point? Que ces cinq piliers? Non, il faut ces cinq piliers et des a'mal quloub, et des actes du cœur. Ensuite, il lui a dit, tu as dit vrai, ils se sont étonnés, il a dit, informe-moi au sujet de la foi. Donc la foi dans le sens général ou spécifique? Spécifique, parce qu'il est cité dans le même contexte, dans le même hadith. Donc ça, tu le retiens, la règle, c'est le hadith de Jibril. Les trois notions ont été citées ensemble, donc elles se séparent dans leur sens. Donc il lui a donné les six piliers de la foi. Ensuite, il lui a dit, qala akhbirni anil ihsan. Informe-moi au sujet du ihsan. Il lui a dit, c'est que tu adores Allah comme si tu le vois, et si tu ne le vois pas, sache qu'il te voit. Ensuite, il a dit, informe-moi au sujet de l'heure. Il a dit, le questionné n'est pas plus savant que le questionneur, c'est-à-dire qu'il ne le sait pas. Et il a aussi informé que lui aussi ne le savait pas, car seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît la science de l'heure, quand est-ce qu'elle aura lieu. Qala fa akhbirni an amaratiha. Informe-moi au sujet de ces signes. Qala an talid al amatu rabbataha. C'est que l'esclave, non, que la femme mettra au monde donc sa maîtresse. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Al-ama, donc les esclaves, donc l'homme aura beaucoup beaucoup d'esclaves femmes, puisqu'il y aura des guerres et les femmes qui sont récupérées donc deviennent des esclaves. Et il aura donc avec cette femme-là qui est une esclave, une fille. Et lorsque lui mourra, cette fille-là héritera donc de cette femme-là qui sera sa maîtresse à son tour. Donc il a dit que la femme mettra au monde sa maîtresse, wa antara al-hufat al-urat al-alat ar-ri'a ash-sha'iyya tatawaluna fil bunyan. Et tu verras donc al-hufat, les gens pieds nus, les va nu-pieds, al-urat, donc ils sont nus, al-alat, les pauvres, ri'a ash-sha, ceux qui sont donc des bergers, yatatawaluna fil bunyan, qui se concurrenceront dans les constructions. Et ça vraiment c'est présent aujourd'hui. Dubaï 187 mètres, là 320 mètres, ils sont à des tours, je sais pas, de 800 mètres maintenant. Hein, c'est hallucinant ça. Oui, à la Mecque. Et ces gens-là, il y a peu de temps, la plupart avant l'apparition du pétrole, c'était simplement des bergers. Aujourd'hui, qu'Allah les guide et leur permette de dépenser leur argent dans quelque chose de beaucoup plus profitable à la Oumma, ils dépensent des milliards et des milliards dans des bâtiments totalement insolites et inutiles à cette communauté, si ce n'est de montrer qu'ils ont aussi des puissances, qu'ils ont de l'argent et qu'Allah les guides. Qala famada, donc il est parti. Falabithna maliya, et nous sommes restés un certain moment, trois jours, dans une version. Faqala ya Omar, et il dit, oh Omar, atadruna man is-sa'il. Savez-vous qui est le questionneur? Qulna nudim, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager sont plus savants. Qala hadha Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. Ceci, donc c'était Jibril qui est venu vous apprendre votre religion. Donc votre religion. Donc la religion est composée de ces trois niveaux, al-islam, al-iman, wal-ihsan. Donc nous avons terminé le deuxième fondement, Cheikh Mohamed Abdel Wahab, et nous passerons, inshallah, la prochaine séance au troisième fondement qui est la connaissance du prophète Mohamed, alayhi salatu wa salam, wa sallallahu ala sayyidina Mohamed wa alihi wa sahbihi ajma'i.